Et en attendant le minute de transition vers le salon d'écoute, on peut peut-être expliquer qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui au Festival L'Archipel. Passons à la désannonce. Il n'y a pas de jingle pour la désannonce ? Non, on pourrait en imaginer un. La désannonce ! Alors, tout à l'heure, le programme est un petit peu moins étoffé que les autres jours. Est-ce à cause du Vendredi Saint, le jour du poisson ? Toujours est-il que tout à l'heure, entre 19h et 20h, il y aura dans la salle des Pas Perdus un concert de Eliane Radig et de Sarah Ennis. Donc deux pièces, une d'Eliane Radig, Occam River 3, et puis Sarah Ennis, une falsetto, une pièce pour percussion et percussion enregistrée. Et ensuite, Rigoster Extended. Donc ça, ce sera dans la grande salle et ça se passera entre 21h et 22h. Donc Rigoster Extended avec Nicolas Phil, Thomas Florin, Jérôme Nottinger, Nate Woolley et Fritz Welsh. Et puis enfin, dans le salon d'écoute, une diffusion et un live, le live de Sam Dunscombe et une diffusion de... Ce n'est plus Finistère, c'est Terre de Feu, c'est ça, de Costine Mirianou, dont Vincent de Roguin était venu nous parler il y a deux jours de cela. Et puis Sam Dunscombe sera avec nous demain pour la plage. Et puis on va passer au partage d'écoute à midi, enfin tout de suite maintenant, le partage d'écoute de Carole Robinson qui se trouve dans le salon d'écoute. Très bon après-midi à vous. On se retrouve à demain à 10h, comme d'habitude. Archi Radio. La radio du Festival Archipel. En direct de 10h à midi